Chapitre 4. Les deux jeunes filles vont se mettre en route. Fleur de Sol regarde, interroge l'horizon, inspecte de son œil fureteur tout ce qui est visible et s'écrie, joyeuse, « J'y suis, c'est là !»« Quoi donc, ma chérie ?» demanda Juana. « Le campement des Blancs, tiens, regarde ce petit filet de fumée qui monte, là-bas, tout gris sur le ciel bleu. »« Oui ?» J'aperçois la fumée, mais comment sais-tu qu'elle provient d'un feu allumé par des Blancs ? D'abord parce qu'il n'y a pas d'homme rouge de ce côté, ça, j'en suis sûr. Ensuite, parce que les gens de ma race n'allument jamais de feu avec du bois produisant de la fumée. Pourquoi ? Pas si naïf que de faire savoir à tout le monde, amis et surtout ennemis, qu'ils sont là. Pourtant, cette naïveté, comme tu dis, va nous servir. Flore l'interrompt et répond avec l'aplomb d'un vieux chercheur de pistes. Ah ça ! Est-ce que tu crois que j'ai besoin d'être ainsi renseigné ? Mais la forêt n'a pas de secret pour moi. Et j'y retrouverais, s'il me plaisait, jusqu'à la piste d'un serpent. Mais assez causé. Il faut partir, et vite. Peux-tu marcher ? On peut tout ce qu'on veut. Je te demande ça, ma belle rose blanche, parce que la route sera longue et rude, et que le temps presse. D'abord, les caïmans vont revenir et nous donner la chasse. Il faut que nous soyons loin d'ici. En outre, il y a, dans le voisinage, des caïmans à deux pieds 100 fois plus dangereux que ceux de Tlahualila. Je ne comprends pas. Je veux dire des desperados. Que ton Dieu et le mien nous préservent de leur rencontre. Et malgré son énergie, sa voix tremble un peu. Elle ajoute, d'un ton de regret, quel malheur que ma pirogue ne puisse nous porter toutes les deux. Nous gagnerions une demi-journée. Mais, dis-moi, Ninia, ton père, ne te voyant pas revenir, sera inquiet. Il croira qu'il t'est arrivé malheur. La fillette se met à rire et répond. Fleur de Soleil n'est point une enfant. Elle va, vient, de jour, de nuit, sur l'eau, dans les bois, sans crainte et sans danger, comme un guerrier. Du reste, je vais leur donner de mes nouvelles. À ces mots, elle retire sans effort la pirogue sur le sable et la retourne, la quille en l'air. Cela fait, elle enlève de sa jarretière le couteau qu'elle porte toujours à l'indienne et dessine grossièrement, avec la pointe, sur le bois dur, des hiéroglyphes bizarres. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demande intriguée Juana. « Que je suis avec toi et que nous partons en découverte. Ils viendront certainement aujourd'hui ou demain, verront les signes et prendront notre piste. Bravo ma chérie, tu penses à tout, c'est parfait. En route ?» Elle quitte le promontoire maudit où dans quelques minutes aura disparu le cheval et s'engage sur le rivage de la lagune. Malgré son énergie, la pauvre Juana marche avec des difficultés inouïes. Ses vêtements humides l'embarrassent et l'alourdissent. Par instants, ses jambes fléchissent. Mais elle songe à l'angoisse affreuse de ses parents qui la pleurent, la croyant morte. Elle veut, coûte que coûte, les rassurer, faire cesser la détresse des âmes, à laquelle vient s'ajouter sans doute la ruine. Aussi, quelle joie d'arriver au campement, de se jeter à leur cou, de les étreindre follement et de leur crier, le cœur battant. « C'est moi, je vis, me voici rendu à votre amour par celle que vous avez méconnue. » Et comme elle se fait fête de leur raconter le dévouement de son amie l'Indienne, avec quel feu elle leur montrera combien sont injustes leurs préventions contre cette race noble et belle qu'ils mettent de parti pris au banc de l'humanité. Elles avancent, et le soleil peu à peu devient brûlant. Juana se crispe et ne dit mot. L'Indienne s'impatiente et s'énerve. « En vérité, nous jouons de malheur, » s'écrie-t-elle dépitée. « Les eaux ne se sont pas tout à fait retirées. La plaine est encore inondée par place. Il faudra des détours et des contours, des marches et des contre-marches. Nous n'en finirons pas. La journée y passera. »« C'est fâcheux, très fâcheux, » répond Juana. « D'autant plus... » Faut-il te le dire? Eh bien, je meurs de faim et surtout de soif. Quelle petite brute je fais! Nous autres peaux rouges, nous sommes comme des mules, nous mangeons quand cela se trouve et quand nous avons le temps. Mais tu dois défaillir, et moi qui n'y pensais pas. Vite, viens vite dans le bois. Alors, au plus pressé, car vois-tu, chérie, cette eau couleur de fange me répugne et m'écœure. Dans un moment, tu veux avoir du lait, un lait délicieux. Tu sais bien ce que vous appelez, vous autres blancs, le leche de palo. Oui, oui, je connais cela, répond d'un petit air entendu Juana. Elles s'en vont, furetant à travers les pétaillis. Quelques minutes s'écoulent et la jeune fille avise un bel arbre qui ressemble au figuier, avec une écorce lisse, de larges feuilles découpées, d'un beau vert tendre. « Voilà notre affaire, » dit-elle gaiement. Fleur de Soleil hausse les épaules et interrompt vivement son amie. « Alors, » dit-elle, « tu boiras la sève de cet arbre ? Mais assurément, n'est-ce pas le lecce de palo ? Oui, mais tu périrais avant 2 jours dans d'horribles souffrances, et rien ne pourrait te sauver. Oh mon Dieu, que dis-tu là, Nina ? L'exacte vérité. Il en est des arbres et des fruits comme des serpents ou des champignons. Les uns sont inoffensifs, les autres mortels, tout en se ressemblant. C'est donc pour cela qu'à la Sienda, on me défendait de toucher aux fruits non cultivés. Avec raison. Les animaux ne s'y trompent jamais. Et il faut être comme nous des sauvages pour les reconnaître, sans erreur possible. Tiens, vois plutôt. À côté de ce lecce de palo qui empoisonne, en voici un qui nourrit. Cependant, ils sont tous pareils. Mais assez causé. Vite, à boire. » Avec son couteau, Flore tranche une jeune pousse de bambou, coupe les nœuds et façonne un petit tube un peu plus gros qu'une plume d'oie. Elle incise ensuite l'écorce du deuxième arbre, introduit dans la plaie le tube et attend un moment. Aussitôt, Juana voit perler une goutte d'eau d'un beau liquide crémeux. Quelques secondes encore et les gouttes se succèdent, puis un mince filet coule, coule. Et Flore s'écrie « Bois, ma chérie, bois sans crainte, comme sans danger. Va, étanche la soif qui te brûle. Je cours te chercher à manger. » Docilement, Juana colle ses lèvres au bambou. Elle aspire longuement, avec volupté, ce liquide sucré, plus délicat peut-être que du lait de génisse, car il ne possède pas cette saveur animale parfois désagréable. Elle boit encore, et déjà Flore lui apporte un régime entier de ces petites bananes bacoves à la chair fraîche, molles, un peu pâteuses, qui fleurent si bon la rainette et la poire. Elle retire ses lèvres de ce biberon original et, déjà réconfortée, s'écrie « Celles-là, du moins, sont de vieilles connaissances. » Merci, Nina. Merci, ma petite providence. Habillée en peau de cerf, chaussée de mocassins et coiffée d'un rayon de soleil, tu conviendras que je suis une providence un peu sauvage. Folle, petite folle, tu ris de tout. Mais oui. D'abord parce que, sortie du cercle des caïmans, je te vois avec ta soif étanchée, ta faim calmée, près de revoir les tiens. Et cela me ravit, tout en me peinant au fond car je vais être forcé de te quitter. Mais je ris tout de même. Parce qu'il vaut mieux rire des choses tristes que d'en pleurer. Voilà. Comment me quitter ? Tu ne restes donc pas avec moi ? Ah, pour ça, non, répond la gamine avec conviction. Et cela me désole, car mon rêve serait d'être toujours près de toi. Alors je ne comprends plus. Si, tu vas voir. Eh bien, suppose que tu sois seule, sans famille. C'est toi qui viendras avec moi, et tu serais la reine de ma tribu. Il y a d'abord moi qui t'adore. Il y a ensuite le grand chef Élan Rapide, mon père, qui se ferait hacher pour toi. Il y a enfin nos frères, qui t'aiment pour ce que tu as fait pour nous. C'est bon d'être ainsi aimé. Laisse-moi continuer, veux-tu, ma rose blanche? C'est que de l'autre côté, il y a ton père et ta mère qui me regardent comme si j'étais un crapaud. Il y a ensuite Mr. Harry Jones qui m'examine comme s'il avait peur que je le scalpe. Il y a enfin ces buteurs de Yankees qui haïssent férocement, en bloc, de parti pris, tout ce qui a la peau rouge. « Tu te trompes, Nina, » interrompt avec feu Juana. « Du moins, à l'endroit de mes parents. Malgré leur prévention, ce sont des cœurs généreux. Quand ils sauront que je te dois la vie, tu auras la première place dans leur affection. Ton amour pour eux t'égare, ma Juana. Et Jean de Fer, ils t'avaient arraché des mains d'Andrés, ils les avaient sauvés. Et pourtant, ils ont commis à l'égard de ce vaillant le crime d'ingratitude. Ils l'ont humilié, désespéré. « Tais-toi, Nina. Tais-toi, je t'en supplie. J'ai souffert et je souffre autant que lui. Mais ai-je le droit de juger mes parents? Non, n'est-ce pas? Même s'ils se trompent, même s'ils brisent mon cœur, je leur dois respect et soumission. Du moins, il me reste l'espoir en l'avenir. Oui, le robuste et cher espoir que leurs yeux s'ouvriront. « Pauvres gens, » interrompit l'Indienne, comme il était pâle et triste avec un pli sombre entre les yeux. J'eus peine à le reconnaître. Tu l'as donc vu depuis cette fuite cruelle? Oui, avec Joey. Il y a de cela une lune ou, comme vous dites, vous autres blancs, un mois. Un mois? Murmure tristement Juana qui tombe dans une rêverie douloureuse. Elle reste pensive quelques minutes, Puis s'éveillant comme d'un songe, elle fait appel à sa jeune énergie et s'écrie « Partons !»« Oui, partons !» répond simplement Fleur de Soleil. La chaleur est devenue terrible. Du sol saturé d'humidité montent d'épaisses vapeurs qui demeurent stagnantes sous les feuilles. Pas d'air. Une température de serre chaude, irrespirable. Les pauvres enfants qui marchent intrépidement à travers ces buées suffoquent, même l'indienne, malgré son endurance. Brusquement, la végétation s'arrête. Courbée sous les basses branches, agrippée par les épines, sabrée par les herbes coupantes, elle traverse un dernier pan de verdure et se trouve devant la lagune. À leur gauche s'arrondit un golfe. En face d'elle s'allonge une chaussée naturelle qui barre le golfe et rejoint là-bas, de l'autre côté, la futaie longue d'environ 2 kilomètres. Découpée, érodée par l'action des eaux, cette chaussée complètement nue, résistante, mesure en moyenne 30 mètres de large. « Ça, c'est un vrai bonheur !» s'écrie Fleur de Soleil. « Ce chemin va nous éviter un fameux détour, et nous raccourcir de plusieurs heures, avec de l'air pur plein les poumons, et la lumière du grand soleil !» Les voilà partis, déjà rassérénés, caquetant, souriant, oubliant les dangers passés, ne songeant même pas que d'autres, non moins effrayants, peuvent à l'improviste fondre sur elle. Déjà, elles ont parcouru la moitié de la chaussée. Elles pressent le pas pour gagner du temps quand, tout à coup, un groupe de cavaliers surgit en face d'elles. Ces cavaliers sont une demi-douzaine. Ils sortent du bois et enfilent la chaussée. Ils viennent donc au devant des jeunes filles qui ne peuvent les éviter. Juana pousse un cri. Fleur fronce le sourcil et dit « Mauvaise rencontre ». Tu crois qu'ils sont des ennemis ? Au désert, tout inconnu est un ennemi. Cependant, il y a dans le voisinage la troupe de Mr. Harry Jones. Qui sait ? On me cherche peut-être. Mais les hommes de cet Harry sont des Yankees, montant des chevaux de leur pays, tandis que ces gens-là sont habillés à la mexicaine et montent des Mustangs. Juana se retourne, regarde la longue chaussée de sable qui se déroule derrière elle et dit « Impossible de fuir, ce serait folie. » « Oui, une pure folie. Nous sommes cernés, à droite et à gauche, par les eaux. Il n'y a pas de retraite possible. Avançons et payons d'audace. » Un espoir reste à Juana. Chevaleresque, gentilhomme jusqu'au bout des ongles, le Mexicain professe pour la femme un respect absolu. Depuis le grand seigneur jusqu'au mendiant, tous les cavaliers honorent la femme, quel que soit son rang dans le monde et la couleur de sa peau. Donc, si ces inconnus ne sont pas absolument et spécialement des ennemis, les jeunes filles n'ont rien à craindre. Jusqu'au dernier moment, Juana veut se rassurer, se prouver que ce sont là tout au moins des indifférents, quand elle les voit opérer une manœuvre alarmante. En les apercevant, les cavaliers qui allaient par deux se sont mis sur une seule ligne, barrant ainsi la voie. Fleur de Saule a compris. Ses yeux exercés ont vu certains détails qui échappent à sa compagne. Elle pâlit, et ses lèvres devenues toutes blanches murmurent ce mot effrayant. « Les desperados !» C'est-à-dire les bandits sans feu ni lieu, sans honneur et sans pitié. Les misérables que leurs vices et leurs crimes ont mis au banc de la civilisation et de l'humanité. Ils pressent l'allure de leurs chevaux, puis s'arrêtent à quelques pas des fugitives, regardant avec une sorte d'impudence gouailleuse les pauvrettes qui tremblent et dont les yeux s'emplissent de larmes. L'un d'eux, qui semble le chef, retire à demi le chapeau sous lequel il se carre avec des allures de capitan. Il ébauche un salut et dit en raillant « Béni soit le hasard qui met sur notre chemin deux personnes aussi accomplies. Nous avons justement besoin de deux tortilleras pour nous préparer ce mets indispensable et si cher à tout caballero. J'ose espérer que vous accepterez près de nous ce poste de confiance. » Devant le péril et devant l'insulte, Juana retrouve sa fermeté. Regardant bien en face le misérable, elle répond avec sa dignité un peu hautaine « Nous sommes femmes, et nous sommes dans le malheur. Nous avons droit au respect et à la compassion des hommes de cœur. Vous êtes indignes du nom de Caballeros, vous qui nous insultez. » À ces mots prononcés avec un incomparable accent de noblesse, le fourbe en tressaille et riposte, voulant braver « Il n'y a pas d'insulte, señorita, et vous ferez en vérité des servantes idéales. Je suis la fille de Don Blas Guerrero, » reprend Juana de sa voix grave, « et mon amie est la fille d'un chef illustre, l'élan rapide. Nous ne sommes pas des servantes. » Je le sais, señorita Juana, et je ne veux pas ruser plus longtemps avec vous. Nous vous cherchons. Vous représentez à la fois la vengeance et la fortune. Vous êtes de bonne prise, et nous ne vous lâcherons pas. Aussi vous nous suivrez, de gré ou de force. » Un des grenats l'interrompt et s'écrie d'une voix enrouée, atrocement huilée au whisky. « Et puis pas tant d'histoires. La fille vaut des milliers de dollars. De quoi boire notre soif des mois et des années. Il n'y a qu'à la ficeler proprement et l'emporter là-bas. André s'attend, il la paiera royalement. » « Jim a bien parlé, » grogna un autre. « Le temps presse. La route est longue et la soif intense. Allons, deux coups de lasso et puis ouste, au trot. » En un clin d'œil, les terribles nœuds coulants lovés sur le devant de la selle sont déroulés. Lancés avec une précision diabolique, ils sifflent dans l'air et s'abattent sur les deux amies. Elles n'ont même pas le temps de chercher à fuir. C'est de la féerie, de la prestigitation. Elles sont prises à mi-corps, un peu au-dessus des coudes. Un coup sec resserre encore la boucle et les fait tomber rudement sur le sable. « Lâche, lâche !» crie Juana. « Nous trouverons des vengeurs !» Grinçant des dents, crispée, furieuse, indomptable, Fleur de Soleil ne se rend pas. Elle réussit à arracher de sa jarretière son couteau indien et d'un seul coup tranche le lasso. Agile comme une panthère, elle se jette devant Juana, coupe la courroie et couvrant son ami de son corps, s'écrie, le poignard levé. « Vous nous tuerez plutôt, mais nous ne serons pas vos esclaves. » « Avec tout ça, » grogne de nouveau celui qui répond au nom de Jim, « j'en suis pour un lasso tout neuf. Il faut désarmer la damnée Squaw et lui enlever son couteau. Cela me regarde. » D'un bond, il quitte sa selle, saute à terre et s'avance, la main levée, croyant à une victoire facile. Intrépide, la petite indienne se précipite sur lui et d'un seul coup traverse cette main qui va s'abattre sur elle. L'homme pousse un juron, pendant que ses compagnons, amusés, rient à se tordre. « Ah, vipère, j'ai senti ta dent. Ah, tu piques. Elle, damn it, il faut que je te tue. » De sa main valide, il prend son revolver et va faire feu sur la gamine qui se campe fièrement devant lui et le brave, les yeux dans les yeux. « Eh bien non, tu ne me tueras pas. » lui dit-elle de sa voix gutturale qui sonne avec des inflexions de métal. « Tu ne me tueras pas parce que tu es trop lâche, parce que tu as peur toi-même de la mort, oui, de cette mort épouvantable infligée par un peau rouge. Tu sais que mon père l'élan te retrouvera, qu'il n'y aura pour te cacher ni forêt, ni montagne, ni plaine, qu'il n'y aura entre toi et sa vengeance ni temps ni espace. Cela te fait trembler d'épouvante. Et voilà pourquoi tu n'oses pas faire feu sur moi. » Tous ces grenins sentent qu'elle dit vrai, et qu'il n'y a dans ses paroles ni jactance ni vaine menace. Jim lui-même, intimidé, remet son revolver à sa ceinture et gronde. « Eh bien va-t'en. Oui, sauve-toi, disparais. Tu es libre. Après tout, ce n'est pas toi à qui nous avons affaire. » Mais elle riposte, indignée. « Non, je ne m'en irai pas, non. Je ne quitterai pas mon ami, et je lui serai fidèle jusque dans la mort. Battant, te dis-je. Non, je reste. Merci, Flore, merci, petite sœur. » s'écrie Juana, émue jusqu'aux larmes de ce dévouement si simple et si grand. Allons, dit le chef, il faut en finir. Qu'elle reste donc, puisqu'elle le veut. D'ailleurs, en partant, elle pourrait nous attirer une bande de peaux rouges, tandis qu'avec un peu de précaution, nous pouvons espérer faire perdre notre piste. Pendant ce rapide colloque, les lassos ont été préparés. Subitement, tous ces grenins ont un grand geste demi-circulaire du bras droit. Aussitôt, les lanières partent, zigzagent avec leurs ondulations rapides et leurs sifflements de reptiles en fureur. Les nœuds coulants s'abattent de tous côtés. Flore, prise au cou, aux épaules et au bras qui tient le poignard, est réduite à l'impuissance. Elle tombe en rugissant, essaie de lutter quand même, et ne reste immobile que quand, ligotée, à demi étranglée, tout mouvement lui est devenu impossible. Brisée par les fatigues et les émotions de la nuit, voyant que tout espoir est perdu, Juana sent ses forces l'abandonner. La virile énergie qu'elle déploie depuis près de 24 heures fait place à une réaction d'ailleurs bien naturelle. Un brouillard s'étend devant ses yeux, elle pâlit et lentement s'affaisse, comme si la vie l'abandonnait. Le chef hausse les épaules et dit avec sa brutale insouciance, Il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Ficelez-moi proprement ces aimables personnes. Que deux d'entre vous les installent sur le devant de leur selle, et puis au trot,